Elle est rouge, ça veut dire que c'est le début de Pure Galaxy Rockers. On est le numéro 413. On est quel jour aujourd'hui? Je sais plus. Le 12 novembre. Voilà. Et ce soir, on n'est pas beaucoup de l'équipe, hein, mais par contre, on a des invités. Alors, il y a Henri. Salut. Coucou Henri. Il y a Célio. Salut. Il y a moi, Stéphane. Et puis, nous avons trois invités ce soir. Normalement, vous deviez être deux, puis finalement, il y en a un troisième qui s'est greffé. Tu peux prendre le micro. Allez. Et le rapprocher de toi. Ouais, ça va. Ouais. Tu vois, c'est articulé, c'est bien. On a vraiment du matériel ultra moderne, t'as vu? Je vois ça. Ouais. Et donc, ce sont trois représentantes de l'Ardente Édition. Donc la première à qui j'ai parlé tout à l'heure, il y a deux minutes, c'est Malvina. C'est bonjour. Moi qui devais pas être là, bonjour. Ouais, et finalement t'es là. Ouais, parce que je suis trop contente d'être là. Juste en face de moi, elle a la crève, mais elle est quand même venue, c'est Jeanne. Bonjour, bonjour. Et la troisième, Laronne, c'est Oriane. Salut. Ouais. Donc vous êtes là ce soir pour nous parler du... Silicate Fest. Youpi. Et puis de ses dépendances, vu qu'il y en a au moins une au CCL. Le samedi, donc c'est un festival de. Bah, vous allez découvrir quoi. De toute façon, vous êtes déjà venu présenter les deux précédentes éditions. C'est la troisième. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'avais envie de célébrer le doux mois de novembre. Plus rien à perdre, encore moins à gagner, à part un court sursis le temps de s'apitoyer. Que des ciels sombres qui n'en finissent pas de descendre, que cette panique froide des soirées de novembre. Et oui, nous sommes en novembre et maintenant, puisque c'est novembre, et bien on vous passe novembre de Paris Violence, les voici. Des voix ferrées rouillées, des cheminées qui s'enchevêtrent. Que rien à faire, on t'en voit gagner. Se dire qu'après tout, on passe sa vie à crever. Que rien à faire, on t'en voit gagner. À part un consensus, si le temps de s'apitoyer. Que rien à faire, on t'en voit gagner. Que des cieux sombres qui n'en finissent plus de descendre. Que rien à faire, on t'en voit gagner. Que cette panique froide des soirées de novembre. Lorsque le jour ternit, t'as pu passer comme ça, regarder les rails, les trains de marchandises qui se froissent sous la pluie, et puis vont s'enfoncer dans des déserts de grisailles, à te dire que c'est rien d'autre qu'un peu de mauvaise humeur, cette angoisse glaciale qui court dans tes veines, pourtant jour après jour, pourtant heure après heure, tu sens grandir en toi cette terreur malsaine. Plus rien à faire, on t'envoie gagner. Se dire qu'après tout, on passe sa vie à crever. Plus rien à faire, on t'envoie gagner. À part un confort si le temps de s'apitoyer. Plus rien à faire, on t'envoie gagner. Que les cieux sombres qui n'en finissent plus de descendre. Que rien à faire, on t'en voit gagner. Que cette panique froide des soirées de novembre. Et que tes nerfs fonctionnent. Cela vient de ce que te donne le vertige. Tes dernières illusions se dissolvent dans l'automne. Et déjà t'imagines tes membres qui se figent. Une existence perdue en trop long coup de cafard. On m'a laissé passager, tu dures plus une vie. On est ronce fébrile sur les grands boulevards. En dimanche éternel qui se perdent dans le gris. Plus rien à faire, on t'en voit gagner. Se dire qu'après tout on passe sa vie à crever. Plus rien à faire, on t'en voit gagner. À part reconfiance si le temps de s'apitoyer. Plus rien à faire, on t'en voit gagner. ciels sombres qui n'en finissent plus de descendre. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Que cette panique froide des mois et de novembre. On fait sa vie à crever. Plus rien à faire, encore moins à gagner. À part encore chercher le temps de s'apitoyer. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Que ces ciels sombres qui n'en finissent plus de descendre. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Que cette panique froide des soirées de novembre. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Se dire qu'après tout, on fait sa vie à crever. Plus rien à faire, encore moins à gagner. À part encore chercher le temps de s'apitoyer. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Qui n'en finissent plus de descendre. Plus rien à faire, encore moins à gagner. Que cette panique froide des soirées de novembre. Si, si, un jour on va faire du Twitch. C'est Pyongyang Styro 15 numéro 412 ce soir avec une partie de l'équipe de l'Ardente Édition Silicate Fest numéro 3. C'est donc un festival de de choses imprimées. Dites-le mieux que moi. Le mieux que moi. Eh ben c'est un festival de micro-édition. Ouais. Alors cette année, par rapport aux autres années, on aura aussi pas mal de techniques d'impression artisanales et manuelles, comme la gravure également, qu'on a mis un peu plus à l'honneur cette année. Que c'est vrai que les années précédentes, on était plus sur la sérigraphie. Oui, il va y avoir pas mal de choses. Hein. Ça va être beaucoup d'images imprimées, donc tout ce qui est estampes, sérigraphie, gravure, mais également micro-éditions, livres d'artistes, fanzines. Il y aura aussi un petit concert le soir, parce que quand même... Ouais, bah, comme chaque année, non ? Bah oui. Bah oui. Bah, on va quand même pas se laisser abattre. Hein. Mais effectivement, il y aura énormément de choses. Il y aura des ateliers aussi sur place, gratuits, ouverts à tous. L'avantage, c'est que c'est juste à côté de la place de Oisem. Donc du coup, il y aura un petit peu de monde, j'espère. Oui, c'est vrai que cette année, on a la chance d'être accueillis par le CAPV, le Centre d'Art Plastique et Visuel de Oisem. Alors que les années précédentes, c'était Malterry et le Tirlaine. Ah oui, Tirlaine. On change de lieu chaque année. Ouais. Ouais, c'est bien. L'an prochain, vous avez déjà une idée de où vous allez Absolument pas. Non. Comme chaque année. Ouais. Chaque fois, c'est un peu l'urgence. Ah ouais. Vous avez su que vous aviez la salle il y a une semaine hein. Non, pas du tout. Bon, je sais pas. Non, mais c'est vrai que cette année, on était plutôt parti pour ne pas refaire l'édition du festival. Et finalement, effectivement, en rentrant en contact avec le centre d'art, eh bien, on a eu l'opportunité de le faire. En plus, ils sont super, ils s'occupent d'énormément de choses. Ça nous enlève une grosse partie de logistique, on va dire. Donc, ça a pu se faire en 2025. Sinon, ça aurait été plutôt 2026, je pense. Okay. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un centre d'art, il y a quand même une pratique autour des arts plastiques. Et en fait, ils ont un atelier de gravure, ils ont un atelier de sérigraphie aussi. Et du coup, il y a l'idée de créer du lien par rapport aux pratiques qui sont menées dans le lieu. Et du coup, dans le centre, dans l'atelier de gravure, il y aura effectivement des ateliers qui sont menés par des pros de l'estampe et avec la création d'une espèce de fanzine en typographie, mais à l'ancienne, et de gravure. Et du coup, il y a vraiment cette idée-là aussi de travailler avec eux et de proposer aux gens de pratiquer, de découvrir comment les images se construisent, quoi. Okay. Ils ont aussi un atelier de livres d'artistes qui se déroule le samedi matin. Donc en plus, ça sera, le public pourra aller visiter l'atelier de livres d'artistes qui donc se passe au CAPV. On va reprendre au début, en fait, parce que j'ai complètement omis de dire quand ça se passe. C'est les 22 et 23 novembre prochains. Donc, c'est pas samedi et dimanche qui arrive, mais samedi et dimanche d'après. C'est ça. Voilà. Et donc, sur deux jours, il va y avoir des quantités de trucs qui seront répartis sur le, enfin, équitablement sur les deux jours, ou il y a un jour où il y aura tout, puis l'autre jour où il y aura un petit peu le reste. Enfin, je sais pas. Il y aura tous les deux jours. Il y aura tous les deux jours. Oui. Ouais, d'accord. y compris, ouais, parce que là, il y a un truc qui me semble très intéressant pour moi, en tout cas, c'est la réalisation d'un journal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc, ça va se faire sur les deux jours, là, les 22 et 23 novembre ? Ça se fait sur les deux jours, c'est-à-dire qu'il y a une journée où les gens sont invités à venir créer des images et à travailler sur les presses du centre d'art, avec des artistes qui viennent justement pour accompagner les personnes. Et le lendemain, c'est plutôt la question du façonnage, donc du pliage, de la reliure, en tout cas de la création de cet objet pour qu'il puisse être diffusé et donné gratuitement, en fait. Et vous pensez en faire combien d'exemplaires ? Moi, je vois tout de suite la production. Ça dépendra du nombre de participants, en réalité. Ça, c'est vraiment des ateliers qui sont menés par l'équipe du CAPV, donc c'est plutôt eux qui vont gérer ça, en fait. Mais on va dire plein. Ça, c'est bien. Non, mais ça va être chouette, ouais, c'est chouette. D'accord. C'est le Silicate Fest numéro 3, cette année, les 22 et 23 novembre. Il est déjà 20h et 12 minutes à l'antenne de campus. C'est peut-être le moment de passer une première musique, hein. Carrément. Et vous nous avez ramené plein de choses. Ah ouais, et puis en plus, ce qu'on a dit au début, c'est qu'il va y avoir un concert plutôt punk au CCL le samedi 22 au soir. Voilà, mais vous n'avez pas ramené que ça, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez passer maintenant comme premier intermède musical. Ce qui est évident, c'est qu'on va écouter Bonnie Tyler. C'est tout évident. De suite, tu me prends par les sentiments. Attends, faut que je la retrouve, Bonnie, parce que... Ah bah là, voilà. Bon, j'espère que ce titre est écoutable dans Pyongyang Styrokers. Hein, absolument. Voilà. Tu vas relever le niveau avec ce truc-là. Et le titre, c'est quoi ? Holding Heart for a Hero, avec mon meilleur accent américain. Bonnie Tyler, choisi par l'Ardente Édition. Ah bah dis donc, on nous aura vraiment tout fait passer dans cette émission. Hein. Ça rend content. C'est bien. Ça rend hyper content. C'est bien. C'est ça qu'il y aura comme fond sonore au CAPV pendant deux jours. Peut-être. Enfin, avec d'autres trucs du même style ou de styles différents, je vois. On vous réserve plein de surprises. D'accord. Ok. Il y aura une buvette. Je vais tout de suite au truc important et intéressant. Et non. Merde. Malheureusement. Ah oui. Bon, il y a plein de bars à côté. Il y a des bars à côté. Il y a des bars à côté. Il y a des bars à côté. Il y a des bars à côté. C'est bien. Reprenons. On a parlé donc, d'une manière générale de comment vous avez fait pour trouver le enfin, pour vous retrouver au CAPV. Il va y avoir des exposants. Et puis, le samedi soir, donc, il y a un concert au CCL. On commence par quoi, les exposants? Allez, vas-y, Jeanne, je te vois piaffer. Donc, cesse de piaffer. Bah, en fait, nous, l'Ardente, on est un atelier d'impression artisanale et on édite des posters, on édite des livres, on fait des fanzines, on fait plein de choses. Et du coup, nous, le Silicate, on l'a mis en place il y a 3 ans, parce que notre asso, pardon, a 5 ans. Et donc, il y a 3 ans, on s'est dit, bah, en fait, on a envie d'inviter des gens qui font un peu la même chose que nous, mais parfois de manière avec des univers complètement différents, mais on avait envie de rassembler tous ces gens-là qui ont un peu les mêmes pratiques que nous autour d'un week-end. Donc, en fait, ça, c'est un peu le parti pris au départ du festival. Et cette année, on s'est dit qu'on allait inviter des gens qu'on n'a jamais invités encore. D'accord. Du coup, il y a une vingtaine de personnes qui viennent de la région, mais aussi d'autres régions en France. Ouais, il y a France et Belgique. Oui, des Belges aussi. Basiquement, ouais, il y a Belges. Et il y a la Belgique. C'est les voisins. Bon, en fait, c'est la région, la Belgique. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Bon. C'est un peu nos frères. Oui. Allez, vas-y, dis. Enfin, je suppose, il y a des noms à retenir. Alors, il y en a plein. Hein. Il y aura Bill Noir, Impression Sauvage, Marine Foratier, les éditions de la Dernière Chance, L'Arbre à Bouteille, Nina Cosco, Ice Cream, Sabordage, Amos, Margot Degère, Caroline Policar, Hyper Studio, Pierre-Philippe, Jean-Jacques Tadjian, Zazou, La Belle Époque, Lucas Nistro, la Fédération Schlagonie Bruxelles et Louis Pleur, ainsi que les travaux des élèves du CAPV autour du livre d'artiste. Bon, c'est bien fait. Bravo. Ça, c'était rien. J'ai tout donné. Ouais, mais t'as pas dit ce qu'ils font, tous ces gens-là? Ben, en général, ils font, comme on disait tout à l'heure, hein, ils font de la micro-édition, ils font de l'estampe, du livre d'art, il y a des distros. C'est vraiment plein d'univers différents, comme disait Jeanne, et une envie de se regrouper, en fait, autour du livre et de l'image imprimée. Donc, on pourra voir ce qu'ils font, et puis on pourra aussi peut-être acheter, si on peut acheter. Des sous à dépenser. Il y a des sous à dépenser, hein. On peut surtout voir ce qu'ils font et ouais. Leur faire des blagues également si on le souhaite. Ah ouais. En général, ils sont sympas. D'accord alors. Donc c'est, là, la liste est déjà close des gens qui vont exposer ou alors, La liste est close. Il y aura des nouveaux ou des surprises d'ici le 22. Ah, il y aura une petite surprise, mais non, pas tant. Là, c'est quand même l'essentiel des personnes qui vont présenter leur travail. Ouais, d'accord. Il y a un nom que j'ai relevé parce que quand même, c'est un vieux de la vieille, c'est Jean-Jacques Tadjian, dit El Rotringo, anciennement Johnny Rotring. Punaise, c'est la première fois qu'il sera au Silicate Fest. Bah, les autres fois, il n'était pas libre. Vraiment. C'est ça, hein, d'être quelqu'un de super connu. Ah, c'est un peu une star. Il va ramener du monde, ce garçon. Bon, donc, il y a de toute façon des listes et puis les liens vers leurs Instagram en général. Ouais, tout à fait. On peut trouver sur votre compte Instagram. J'en profite parce que souvent, moi, je fais pas de pub pour Instagram ici. Hein. Et votre compte, c'est quoi? C'est l'Ardente. L'Ardente.édition, au pluriel. Avec un point, d'accord. Ok. Donc vous pouvez vous diriger là-dessus. Puis il y a actuellement vous publiez un invité par jour, un truc comme ça. Enfin. Ouais, c'est ça. Ouais. On essaye de dévoiler au fur et à mesure. Même si en fait c'est dans une semaine et demie, donc on va commencer un peu à s'activer. C'est hyper professionnel. Plus rapidement, mais. Non, mais c'est bon. Ça marche bien là. Ouais. On passe au concert. Puisque concert il va y avoir. Ouais. Allô. Ouais. Alors, comment ça marche cette affaire? C'est encore un truc, c'est une joint venture entre l'Ardente et puis d'autres gens. En fait, c'est ça le truc, c'est que organiser un festival, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça demande plein de choses différentes à faire. Et du coup, nous, c'est pas que l'Ardente qui l'organisons cette année, ni les années précédentes d'ailleurs. On l'organise toujours avec les lieux partenaires, donc cette année c'est le Centre d'art à Oisem, mais en fait on a aussi plein de copains-copines qui viennent filer la main, et en gros on est quoi, une équipe de... Sans compter l'équipe du Centre d'art, c'est, ça regroupe à peu près 15 personnes qui co-organisent l'événement et qui donnent surtout la main, pas que, mais surtout la main quand même au, sur la programmation et sur la gestion de ce concert qui a lieu le samedi soir à chaque fois. Ouais. Et puis il y aura qui de, ouais. En groupe ou en, bah oui, en, groupe. Ou en personne bah non, mais non, les gens ne doivent pas dire leur nom quand même. Vas-y, par contre, c'est les groupes, allez, Célia. Ah, t'es au courant? J'ai plus l'affiche. Regarde, on a pris les flyers. Attends, il y a Vacarme. Vas-y, prends le flyer là. Bon, Vacarme, demain. On va faire un truc super radiofonique. Bingo, Crépuscule, Carigos et en After DJ 7 avec Léa C. Ok. Donc ça va être bien. C'est samedi 22 novembre à partir de 20h. Ouais, c'est ça. Au CCL, donc prix libre. En général, c'est prix libre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et bah, on va pouvoir écouter un premier extrait. Vu que t'en as préparé, il paraît. Ah ouais. Je me suis dit que ça serait bien. Attends, faut que je retrouve ce que j'ai préparé. Par contre, si tu parles dans ton micro, ça ira mieux. Ok. On peut commencer avec Demain. J'ai choisi le morceau Elle ne vient pas. Par contre, il faut que je le trouve, moi. Parce que moi, j'avais choisi L'avenir, c'est la violence, mais non, ça va pas. Ah, bah là, demain, boum, hop. Qui passera le 22 novembre au CCL pour le concert du Silcat Fest, demain. Maintenant y'a plus rien. Mais quel sens à ces nuits-là? Adolescence comme une loi. J'y suis encore. Demain est là. Face à ton aurore qui ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. T'as cru avoir raison. Toi tu n'as rien cru. Moi j'aurais voulu, mais quel sens à ces nuits-là, obsolescence comme une loi, j'y suis encore, demain est là, face à ton or, qui ne viendra pas. Elle ne viendra pas, elle ne viendra pas. We'll be right back. Boom, deuxième titre, deuxième groupe qui va passer le 22 novembre prochain au CCL pour le Silicate Fest concert. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'était quoi? C'était Vacarme avec Confesse. Hein, c'est ça. Voilà, comme ça, t'as plus rien à dire. Exactement. Parce que par c'était Célia qui avait fait la prog. Hein. C'est toi c'est qui moi qui ai choisi les morceaux. Ouais. C'est bien. Voilà. Et comme il est presque 20h30, ce n'est pas l'heure de Jamo qui est parti très loin dans un pays vert, c'est donc l'heure de Henri. Et oui, encore du 10-bit raw punk. Alors d'autres disent raw 10-bit punk, et c'est le cas de Fuckery. Dans leur description, Bandcamp, power trio allemand, évidemment influencé par les darons du crasher, Gloom. Bon, évidemment, ils ont le bon goût de commencer leur piste avec que des cris, j'adore. C'est leur première sortie, c'est paru le 15 octobre 2025 en format cassette, et c'est produit par le groupe. Donc vous pouvez les choper sur leur Bandcamp. Et la démo s'appelle Noiseless Society. Le morceau qu'on va s'écouter, attention ça break, c'est Lead Unsavory Life. Ah ah ah C'était 3 secondes très courtes qui restaient. Donc nous sommes dans Pyongyang City Rockers numéro 413 avec 3 personnes de l'Ardente Édition qui nous présentent le Silicate Fest et le concert attenant. Et Célia, tu as des choses à demander. Une question, oui, on voulait savoir si c'était payant l'entrée du festival. Ah non, tout est gratuit. C'est gratuit et en plus cette année, il n'y a pas d'adhésion. C'est vrai que sur les deux précédents, il y avait une adhésion à l'entrée pour le lieu et aussi genre, pour le bar. Euro, quoi. Ouais. Bon, ça va, quoi. Bah, c'était prix libre. Ah ouais, voilà, prix libre. Bon. Non, pour la malterie, en général, c'est 1 euro, un truc comme ça, non? Oui, mais on avait négocié avec la malterie. Oh punaise, je me souviens. Moi, j'avais mis 1 euro, j'aurais pu mettre 50 centimes, c'est dégueulasse. Exactement. Non, mais c'est nous qui aurions payé. Ah oui, d'accord. C'est ça la négo. Ouais, c'était okay. Ça la négo. Ok. Ça prend combien de temps d'organiser un truc pareil? Parce qu'il y a quand même plein de gens qui vous contactent tout le temps. D'ailleurs, là, il y a 10 minutes encore, vous recevez, vous recevez des courriers hein, de gens qui disent ah ouais, super. Bah, c'est qu'il y en a qui écoutent la radio, ça c'est, ouais, c'est, super. C'est super. Merci les gens, vous êtes des boss. Donc ça prend combien de temps d'organiser un truc comme ça? Parce que quand, à chaque fois, là, que ce soit à la Malterie ou l'an dernier au Tirlaine, c'était quand même grand, il y avait plein de monde, plein de trucs. En fait, on a commencé nos premières réunions en juin, en gros. Ok. Avec le lieu partenaire, donc avec le centre d'art, pour coordonner un petit peu tout ça, se mettre d'accord, voir si eux, ils avaient envie de le faire, quoi, comment. Et après, c'est... Je dirais 3 mois. Enfin, voilà. Après, c'est pas tous les jours. C'est pas. Voilà. C'est sur des missions, sur des moments pour synchroniser tout ce petit monde et faire en sorte que tout le monde soit content, ouais, et que ça se passe bien. Et nous, c'est vrai qu'on vraiment, c'est quelque chose qui est super important pour nous. C'est par exemple, on parle de la gratuité pour les personnes qui vont venir voir le travail des exposants, mais nous, pour nous, c'est super important que les artistes n'aient pas à payer non plus quand ils se déplacent pour venir représenter leur travail. Et c'est le cas de plus en plus dans plein de salons, même de micro-éditions, même underground, qu'on demande une participation aux artistes. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur que les gens n'aient pas à débourser le moindre denier pour travailler, en fait. Du coup, pour eux, c'est gratuit. On leur propose aussi un repas gratuit. On essaye de les accueillir au mieux pour que ça soit le plus confortable possible pour tout le monde, quoi. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, on le fait parce qu'on pense que c'est important. Et comment ça se passe? Parce que là, les deux premières éditions, c'était dans des organismes indépendants, la Malterie et puis le Tirlaine. Là, le CAPV, c'est un truc qui dépend de la mairie de Lille. Ouais, ça dépend de la mairie de Lille. Ouais. Ouais. Et comment ça se passe? Enfin, la mairie met son nez dans votre programmation? J'en sais rien. On a eu entièrement sur la programmation et la manière de faire, on a eu vraiment carte blanche. Donc ça, c'est chouette. Après, on fait en partenariat, mais vraiment avec le Centre d'art. Après... Et donc, il n'y aura pas non plus de comité de censure pour vérifier au préalable ce qui va sortir dans le torchon ardent. Enfin, que ça soit du graphisme ou du graphisme. Non. Non. Non, je demande. Hein. Non. Non, c'est un vrai partenariat, donc c'est chouette. Mais c'est vraiment un partenariat qui se fait avec le Centre d'art, qui est une petite équipe, mais c'est des personnes qui sont super compétentes et super motivées. Et du coup, en fait, tout se fait vraiment avec eux, quoi. Trop bien. On n'a pas de CA à la ville et tout ça, quoi. Donc, le Centre d'art, oui, probablement qu'eux, ils ont dû en parler à la mairie. Mais nous, en fait, on n'est pas concernés et ils nous font entièrement confiance sur la programmation. En fait, ce qu'ils montreront à la mairie, c'est à la fin de l'année des photos. Regardez, il y avait plein de monde, il y avait plein d'exposants, machin, tout ça, comme ça. Puis ça sera un beau bilan, quoi. C'est ça? Ah, ça, j'en sais rien. Mais en fait, nous, ce qui nous importe, c'est que cet événement, il ait lieu, surtout. Après... D'accord, vous attendez combien de monde? Il y a eu combien de visiteurs les années précédentes? Tiens. Ça a dépendu des années, mais en général, on est entre 400, 250, ça dépend vraiment des années. D'accord. Avec Pyongyang Street Rockers, on va doubler le sûr, nombre de visiteurs. Mais c'est sûr, évident. Évident. Je dis ça, j'en sais rien. Enfin, sauf si tout le monde est malade. Je pense que tu vas refiler ta crève à tout le monde. Hein, non, mais je vais essayer que non. C'est pour ça que je suis au bout de la table, en face de toi, hyper loin. Et tout ça. Par contre, t'es bien en face. Hein. Là, j'ai l'impression que tu me scrutes. Là, à chaque fois, je dis, oh là là, si je dis une connerie, je vais me faire tuer. Là. musique encore ou pas? Quelque chose, hein? T'avais ramené de la zik. Ouais. On a ramené de la musique et après on n'a pas écouté. Il y a d'autres groupes qui m'ont joué au CCL. Je pense à Carrie Goss, ouais, qui est un solo. C'est une nana de Rennes qui fait un projet seul de Dark Wave. C'est super bien. Donc, je pense qu'on peut écouter ça. C'est chouette. Je mets au choix Fallen Master, choisi par Célia, ou Musaraigne, choisi par Mézig. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Hein? Ah, vas-y, mais tiens. Plus araignes. J'ai une belle petite bête, alors voilà. par Carigos, qui passera le 22 novembre au CCL. N'arrête pas les actus, c'est fou. Alors c'était Carigos là qui passera le 22 au CCL dans le cadre du Silicate Fest. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 413. Il est 20h40. Et puis on est encore ensemble pendant une petite vingtaine de minutes avec ces jantes de l'Ardente Edition, n'est-ce pas, qui ont plein de choses à dire. Et, non seulement l'actu c'est le Silicate Fest les 22 et 23, mais en plus de ça, autre chose, mais je sais pas quoi. Donc tu vas le dire maintenant, Jeanne, parce que sinon j'aurais l'air d'un con. C'est Oriane qui va parler. C'est moi qui vais prendre la parole un petit peu. On a aussi, parce qu'on ne s'arrête jamais, vous savez, aussi High Five, qui est un parcours dans les ateliers d'artistes de FIV et LM. C'est bien ça. Parce que notre atelier, il est à FIV, il est au Monde-Terre. À FIV, tout à fait. Sur le bon Monde-Terre. Ça va se passer les 6 et 7 décembre. Donc, il y a tout un petit parcours qui a été imaginé avec tous les copains artistes du coin parce qu'on a réalisé qu'en fait, on était plein. Donc, on s'est dit que c'était chouette de faire une ouverture. Tout ça, c'est 6 et 7 décembre, effectivement, entre FIV et LM. Donc, il y aura nous, Camoufleur, le Haut de Camoufleur, le 34 rue Aristote, la Fosse Commune, le Garage et les Tinctoriales. Donc, tout ça, ça va ouvrir. Pareil, il y aura soit des ventes. Nous, en général, par exemple, on fait une petite buvette, on fait du vin chaud. Comme il fait un peu frais. Ouais, c'est bien parce qu'il fait frais. Hein. Souvent, on se retrouve à marcher dans les rues et il pleut, il vente. On arrive et tac. C'est bien d'avoir un petit truc à se mettre, un petit gorgeon à prendre. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est après, ça. C'est un peu chouette de visiter les lieux de création aussi. Ça permet de voir où on travaille, comment les images elles sont fabriquées, notre lieu de vie un peu quotidien. C'est ça. Notre maison. Effectivement, le samedi, pareil, il y a un concert. Ce sera Temps Calme, organisé par Abon, dans la salle du bas du Camoufleur, au 37 rue Aristote. Bigre, eh bien, on aura l'occasion de le répéter, ce concert. Tout à fait, tout à fait. À l'antenne. Et puis, alors, sur d'autres médias. Donc, ouais, pareil, High Five. High Five, c'est un peu un jeu de mots, je ne sais pas si vous avez compris. On peut dire Five parce que c'est Five à Five. C'est exactement ça. Ça fait aussi plusieurs années que ça existe. C'est ça, je pense que ça fait 3 ans qu'on doit le faire. C'est ça, hein, ça fait 3 ans. C'est comme le Silicate Fest, en fait. C'est un peu ça. C'est vrai. Après, nous, ça fait 5 ans qu'on existe. Il a quand même fallu qu'on se pose un peu avant d'organiser plein d'événements. Puis là, la différence, c'est qu'en fait, les gens, ils sont vraiment invités à aller visiter les différents ateliers d'artistes. Donc, en fait, en termes d'organisation, c'est pas dans un seul lieu, quoi. C'est vraiment aller visiter des ateliers d'artistes et voir ce que les gens font. Ouais, puis les machines qu'ils utilisent. Je délire toujours hein, les trucs qu'il y a dans votre local là, des presses, des bidules, des choses. Mais moi je trouve ça beau. Donc j'y vais rien. J'y vais en me disant tiens, je vais voir des super machines, des super trucs qu'on voit pas d'habitude. Trop bien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on a plein de gros bazars en ferraille. Ouais, hein, c'est ça. Qui peuvent sembler un peu cryptiques. Ouais. Tiens, on peut donner l'adresse de l'Ardente d'ailleurs. Hein. Tout à fait. C'est au 1 rue Hippolyte Laurent, à FIV. Donc, juste derrière le Splendid. Tout à fait. Voilà. Côté entrée des artistes. Exact. T'as vu, hein. On les voit quand ils rentrent des fois. C'est voilà. Des stars. Bon, ça, c'est pas l'adresse pour le Silicate. Le Silicate Fest, ça sera 4 rue des Sarrasins. Rue des Sarrasins, ouais. Juste derrière l'église, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Je crois que c'est Saint-Pierre-Saint-Paul. Saint-Pierre-Saint-Paul, ouais, bah, exact. Voilà. À Oisem, à côté du marché d'Oisem, quoi, t'as vu. Sur le marché d'Oisem, carrément. Ouais. Donc, on répétera encore hein, les informations pratiques. Faut quand même passer encore de la musique, parce que théoriquement, c'est une émission de musique, ici. Tiens. C'est vrai, là, ça. Là, on parle beaucoup. Et il me semblait que quelqu'un avait rapporté une nouveauté, quasiment une avant-première, un truc qui est passé nulle part ailleurs avant ici. Et on va donc être les premiers de le monde, peut-être, à le passer. C'est moi qui ai fait la playlist, du coup je suis responsable, les filles. J'ai choisi un morceau de Homefront, qui est un groupe canadien, parce qu'ils sortent un LP dans 2 jours. Moi j'ai hyper hâte de l'entendre. Et du coup ils ont sorti quelques morceaux en ligne. Et je sais pas s'ils en ont sorti 2 ou 3, enfin bref. Et du coup j'ai pris un de ces morceaux en me disant « Ah bah c'est trop bien, vu qu'ils sortent un album, peut-être que ça donnera envie de l'écouter. » Ouais. Je trouve ça cool. Bon, il ne passe pas le 22 septembre, novembre. J'aimerais trop. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Ah. C'est ça. Homefront, le titre ben, je sais plus. Regarde. Let's Sleeper. Ah, voilà. Merci. Homefront. C'était la peine de laisser cette fin qui dure 1 minute de haut fond. Donc ce n'était pas une exclue, hein, vu que c'est déjà sorti sur le Bandcamp de La Vida es un Mousse. Et puis c'était au front avec Light Sleeper, choisi par Jeanne. Voilà. De l'ardente. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien aimé. Mais oui, bien sûr. Alors, vous écoutez Pionnier Rock Tiro Card numéro 413 avec l'ardente édition qui sont venues nous faire la publicité du Syndicate Fest numéro 3 avec un superbe flyer jaune. Orange. Fait par Oriane. Orange, c'est orange. Orange. Jaune. C'est orange. Non, oui, c'est pas... orange. Non, moi je trouve que c'est plutôt jaune. Enfin, je sais pas. C'est pas toi qui décides. C'est mes yeux. Voilà. Avec des bêtes au-dessus d'ailleurs, c'est quoi ces bestiaux? Mon Dieu. C'est des chats. Enfin, c'est tout type de félin en réalité. Oui, ouais. Voilà. Il y en a même un qui a une espèce de barbiche, c'est bizarre, hein, franchement. Non, c'est un lion. T'as pas vu? Il a fait un petit bun parce qu'il est au spa. Vous avez pas le visuel. Ouais, comme ça, maintenant qu'on vous a bien décrit le flyer, vous allez pouvoir le repérer partout où il va être déposé. Il y en aura partout, bien sûr, pour que les gens puissent le récupérer et en faire la collection. C'est le Syndicate Fest. Ça va se passer donc les 22 et 23 novembre. Arrêtez de me regarder comme ça et prenez la parole. Bah, c'est toi qui parles, donc du coup, forcément. Mais effectivement, nous, on a un peu hâte que ça arrive. Ça fait... plusieurs années qu'on fait ça, et ce qui est un petit peu rigolo, c'est que la première fois qu'on a vraiment collaboré avec les gens de l'Ardente, c'était à l'occasion d'un festival de micro-édition. Mmh. Il y a des années de ça, c'était quand ça, mine de rien, il y a bien 10 ans. On travaillait pas du tout les uns avec les autres. Ah, c'était à l'époque, c'était à la Ferblanterie. Ouais, tout à fait. Oh oui, ça remonte. Et effectivement, c'était nos premières collaborations les uns avec les autres autour d'un festival de micro-édition parce qu'on s'était dit que c'était quand même dommage qu'il n'y en ait pas à Lille. C'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça. Bah ouais, c'était super chouette. Et donc, ça va vous permettre de rencontrer encore de nouvelles personnes? Bah, c'est ça qui est cool. Ah bah, c'est l'idée. Ouais. Bah, c'est toujours l'idée de rencontrer, de voir des nouvelles choses. Et pour nous, et comme pour tous les gens qui vont venir s'y déplacer. Bien. Donc, on rappelle, c'est quoi ça veut dire quoi, CAPV? Le Centre d'art plastique et visuel. Ouais, je l'ai là, ouais. Voilà, c'est ça. Merci. C'est bien. T'as bon. Tout voilà. Dans ma tête. De Lille. 4 rue des Sarrasins. Le métro le plus proche, c'est Gambetta. Et puis, bah, c'est ouvert de. Attends, je triche. De 11h à 19h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. J'ai bon? Bravo, tout à fait. T'as mon capitaine. Vu, ouais. Non, c'est parce que c'est écrit à côté de moi. Là. Bah oui, on t'a donné le flyer. Voilà. L'entrée est gratuite. Il y aura une vingtaine d'exposants plus des projections les deux jours, c'est ça? Ouais. Les... ouais. Projections, ateliers. Et par contre, ce qui se passe uniquement le samedi, c'est visite du CAPV, je crois. C'est qu'en fait, le CAPV ouvre certains de ses ateliers parce que bah il y a des gens qui viennent bidouiller, qui viennent fabriquer des choses, et du coup les ateliers seront en libre accès à ce moment-là pour y travailler, mais en tout cas pour voir un peu ce qui s'y fait, quoi. Et ça, c'est le samedi. D'accord. Donc, et puis en plus de ça, il y aura le concert qui aura lieu le soir au CCL, non loin de là, comme on dit. C'est ça. voilà. Allez, on repasse encore de la musique. Je sais que vous avez préparé une super playlist. Alors, on a déjà passé Bonnie Tyler. Moi, je préférerais que tu passes quand même ce que tu as choisi, Oriane. De Elton John. Ouais. I'm still standing. Oh, elle me donne de l'énergie le matin. Bon, allez, bah, du coup, on va passer par Elton John. Faut que je retrouve seulement. Tiens, elle l'a pas mis dans la clé USB. Oh, trahison. C'est pas vrai, je l'ai mis. Je te jure, je le trouve. Tu l'as pas copié. Oh, il est tout en bas. Oh, ouf. Eh bien, voilà, encore le choix de l'ardente édition Elton John. Eh ben, on nous aura vraiment fait passer tout dans cette émission. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. fate were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Merci Elton. Allez, petite pub rapidement pour un concert qui aura lieu samedi qui arrive, qui n'a absolument rien à voir avec le Silicate Fest. C'est le Massey Ferguson Memorial du country punk parisien. Ils seront ouverts en première partie par du folk rock, Little Big Horn. Bon, moi j'y vais pour le Massey Ferguson. Ça sera à la Moulinette 105 Boulevard Victor Hugo à partir de 20h30, prix libre. Le Massey Ferguson Memorial qu'on écoute dès maintenant avec I Wanna Steal. Vous êtes bien nombreux ce soir, un morceau qui s'appelle Je veux voler aux riches, mais je ne veux pas donner aux pauvres. I wanna steal. Allez, on coupe parce que là, on a encore plein de trucs à dire. Déjà, Malvina, là, t'as des trucs à raconter. Tu les dis pas depuis tout à l'heure. Allez, vas-y, boum, c'est le moment. Attends, vas-y. Pardon. Ça va, je peux y aller? Oui. Merci. Tu disais qu'il y avait une projection pendant le Silicate Fest au Centre d'Art. Et je voulais ajouter quand même un petit mot à propos du centre de doc du CAPV. Donc au sein du CAPV, il y a un centre de doc, donc les Lillois peuvent aller y emprunter des ouvrages, il y a aussi tout un fonds de DVD, audiovisuel, et il y a énormément de choses, c'est hyper intéressant. Moi j'y ai emprunté pas mal de choses et découvert des trucs un peu fous, donc j'invite effectivement les personnes, les Lillois en particulier, après, parce que pour emprunter il faut rendre tout ça, faut être dans le coin quand même, à aller voir aussi le centre de doc qui... Merci Malvina. Et donc le centre de doc se trouve 4 rue des Sarrasins. Oui, c'est au sein du CAPV, à Oisem. C'est là que se passera le Silicate Fest les 22 et 23 novembre prochain. Je parle vite parce que c'est la fin de l'émission. Donc Silicate Fest, ouais, c'est l'heure. Et maintenant il y a Célia qui va nous présenter un truc qui va avoir lieu samedi. C'est ça, je fais une petite réclame aussi, un concert au CCL samedi. C'est un concert en soutien au CLAGE et il y aura Toxic Dixie Kreit, Short Days, Sunwell et Medal. C'est à partir de 20h30 et on va écouter Toxic Kreit. Ouais, et puis on n'oublie pas... Merci les amis. Merci à l'Ardente d'être venue. Merci de nous avoir invités. On se retrouve les 22 et 23 au CAPV. On se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de Campus pour PCR numéro 414. Et on n'oublie pas... Un cab. Radio Campus Lille, il est 21h.